إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة هذا الكتاب كتاب مجالس شهر رمضان من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا هو المجلس السادس في أقسام الناس في الصيام في صيام رمضان c'est tiré d'un livre qui se nomme les assises durant le mois de Ramadan, où on a un cours par jour de mois de Ramadan, dans ce livre-là. Il y a le même ouvrage de Cheikh Saleh Al-Fawzan, sauf que celui de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, il y a 60 cours en tout. C'est-à-dire, il y a une partie Maw'idha et une partie Fiqh. Il y a une partie qui est un discours, une exhortation, et il y a le deuxième cours. En fait, c'est deux cours par jour. Le deuxième cours qui est de la jurisprudence. Dans celui-ci de Cheikh Ibn Salih al-Uthaymeen, rahimallah, on est dans la sixième assise qui est « Fi aqsam al-nas fi siyam » c'est-à-dire les différentes personnes durant le jeûne. Les différentes personnes durant le jeûne, durant le mois de Ramadan. « Wa al-qism al-awwal » أولا avant de mentionner les différentes personnes يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله عز وجل dit selon le sens des versets يا أيها الذين آمنوا oh vous qui croyez كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ يعني فُرِّدَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ on vous a rendu obligatoire le jeûne quand on a prescrit بِالْمَعْنَ كُتِبَ بِالْمَعْنَ فُرِّدَ c'est-à-dire rendu obligatoire كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ يعني صِيَامَ رَمَضَان on vous a rendu obligatoire le jeûne c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ comme on a prescrit à ceux d'avant vous لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ peut-être allez-vous atteindre la piété. وَصَفَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِالصِّيَامِ الصِّيَامِ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الدليل يقول الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ ici dans ce verset on a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué aux croyants le fait de jeûner. وهذا الدليل على أن الصيام من الإيمان يا أيها الذين آمنوا الإيمان كتب عليكم الصيام هذا الدليل على أن الصيام من الإيمان le fait aussi qu'Allah عز وجل dit oh vous qui croyez on vous a prescrit le jeûne c'est la preuve que le jeûne fait partie de la foi puisqu'Allah عز وجل a commencé en disant يا أيها الذين آمنوا oh vous qui croyez طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Allah tabaraka wa ta'ala sait que l'être humain, lorsqu'il ressent une gêne et qu'il apprend que quelqu'un est dans la même gêne que lui, cela le réconforte. Alors Allah azza wa jalla a rappelé كما كتب على الذين من قبلكم. Allah tabaraka wa ta'ala aurait pu dire يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تتقون. لكن قال الله جل وعلا والذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Le fait qu'il ait rappelé les peuples d'avant, c'est pour dire que on n'est pas les seuls à avoir le jeûne. C'est pas quelque chose de simple et de facile. Ça demande des efforts, ça puise l'énergie du corps et cette faiblesse que ressent l'être humain lorsqu'il jeûne, les peuples d'avant aussi l'ont eu. Donc Allah tabaraka wa ta'ala qui connaît parfaitement sa création, et Allah azza wa jal sait mieux que quiconque que l'être humain est réconforté quand il apprend que quelqu'un est dans la même jeûne que lui. Alors c'est la hikma et la sagesse d'avoir mentionné comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Wa fi hadhihi al-aya hikmat as-siyam تقوى الله تبارك وتعالى. Dans ce verset, on a la sagesse du jeûne. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi est-ce que chacun d'entre nous jeûne le mois de Ramadan? Bien sûr, parce que c'est une obligation. Mais le but de ce jeûne, c'est quoi? تقوى الله عز وجل. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتقوى الله, c'est faire ce qu'Allah t'a ordonné en espérant la récompense d'Allah. Aranurin min Allah, avec science, faire ce qu'Allah t'a ordonné avec science et en espérant la récompense d'Allah, et de t'éloigner des interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, t'éloigner des interdits en ayant peur du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme les bonnes actions on espère la récompense, alors les mauvaises actions on a peur du châtiment. Aranurin min Allah, avec science. Seule la science te permet de dire ce qui est ordonné et bien et ce qui est interdit. Al-ilm. Il y a une différence entre al-bir wa al-taqwa, entre le bien et la taqwa. Al-farq baynahuma. Wa al-dalil qawlullahi azza wa jal ta'awanu ala al-bir wa al-taqwa wa la ala al-ithmi wa al-udwan. تعاونوا على إيش؟ على البر والتقوى. Entraidez-vous dans la piété et le bien. Entraidez-vous dans le bien et la piété. على البر والتقوى. Ici, le fait qu'Allah Azza wa Jalla il a ramené ces deux-là dans le même verset, ça prouve bien qu'il y a une distinction. Si la crainte d'Allah ce n'est que faire le bien, dans ce cas-là, il n'y aura pas de différence entre eux. Bir wa taqwa, entraidez-vous dans le bien et la piété. Non. Le fait qu'il ait ramené les deux, ta'awanu ala bir wa taqwa, ça prouve bien que taqwa c'est autre chose que al-bir. Al-bir c'est le fait de faire que le bien. Wa taqwa c'est non seulement tu fais le bien, mais tu t'éloignes de ce qu'Allah azza wa jal t'a interdit. Il y a ça en plus. Et cela a un sens plus vaste. Donc la'allakum tattaqun, peut-être allez-vous atteindre la piété. Ce qui signifie que pour atteindre la piété, l'une des choses qui permet d'atteindre la piété, c'est le jeûne. As-siyam min al-iman wa min al-taqwa, min taqwa Allah azza wa jal. C'est la preuve aussi dans ce verset que le jeûne fait partie de la foi et il fait partie de la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu fais ce jeûne, qui est une obligation religieuse, avec ses règles, et tout ça avec une science. Et tu délaisses tout ce qui va corrompre ton jeûne ou couper ton jeûne et annuler ton jeûne. Et tout cela avec science. Donc on rentre bien dans la définition de taqwa Allah azza wa jal, de faire ce qu'Allah t'a ordonné et de t'éloigner de ce qu'Allah t'a interdit en espérant la récompense du jeûne et en ayant peur du châtiment d'Allah sur le fait de corrompre notre jeûne ou de l'annuler. Et tout cela avec science. Donc le musulman, il se doit d'apprendre comment jeûner. Et c'est une obligation religieuse pour lui. Qala l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, fi sahih, bab, al-ilmu, qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les actes. Qabl as-salat, al-ilm. Qabl az-zakat, al-ilm. Qabl as-siyam, siyam ar-ramadan, al-ilm. Tu es obligé d'agir avec science, c'est-à-dire que tu es obligé d'apprendre comment jeûner. Comment est-ce qu'on jeûne? Tu es obligé d'apprendre. Est-ce que tu remplis les conditions pour jeûner? Est-ce que tu fais partie des gens qui doivent jeûner? Si tu as une erreur dans ton jeûne, est-ce que tu sais rattraper ton jeûne? Est-ce que tu sais ce qui annule ton jeûne? Ce qui vient corrompre ton jeûne et qui va te diminuer dans la récompense? Taïeb. C'est pour cela que durant le mois de Ramadan et par rapport au jeûne, il y a différentes personnes. Et par rapport à ces personnes, les règles du jeûne vont changer. Al-qism al-awwal, al-muslimu al-balighu al-aqilu al-muqim al-qadiru al-salimu min al-mawani'. La première catégorie de personnes, il s'agit du musulman qui est pubère, qui a toute sa raison, al-muqim, qui est résident, donc il n'est pas voyageur, al-qadir, qui est capable, as-salimu, et donc qui est saint d'empêchement, c'est-à-dire il n'a aucun empêchement, il n'y a pas d'empêchement qui viennent à lui et qui le mettent dans une situation par laquelle il ne pourrait pas jeûner. Fa'alayhi as-siyam, siyam ramadan, wajib alayhi. À celui-ci, qui remplit donc ses conditions, et on les répète, le musulman pubère, qui a la raison, qui est résident, qui est capable et qui est dépourvu de tout empêchement, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour lui, fi waqtihi, dans son temps bien précis, c'est-à-dire fi shahr Ramadan, durant le mois de Ramadan, bil adilla bil kitab wa sunnah wal ijma' ala dhalik, par les preuves du Coran et de la Sunna et de l'unanimité des musulmans. Yaqul Allahu jalla wa ala, shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا. Donc Allah عز وجل a mentionné l'obligation pour celui qui témoigne du croissant de lune de jeûner lorsqu'Allah عز وجل a mentionné, selon le sens des versets, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé, qui est une guidée pour les gens, qui est une guidée pour les gens, hein, et une preuve tirée d'une guidée, de la guidée du discernement. Quant à celui qui témoigne du mois, c'est-à-dire Shahr Ramadan, man shahida minkum al-shahr falyasum, alors qu'il jeûne. Amar Allah azza wa jal al-siyam liman shahida al-hilal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, lorsque vous voyez le croissant de lune, al-hilal, c'est-à-dire le croissant de lune du mois de Ramadan, alors jeûnez. Le hadith est authentique dans le Bukhari et Muslim. Tayyib. Donc, celui qui remplit ces conditions-là, il se doit de jeûner, c'est une obligation religieuse pour lui. Shahru Ramadan, qala Allahu azza wa jalla, shahru Ramadan. Ici, il y avait à l'époque des salafs cette divergence, est-ce qu'on disait Shahru Ramadan ou bien Ramadan, hein? Shahru Ramadan, il n'y a pas de doute qu'on pouvait le dire puisque le Coran a été révélé en disant Shahru Ramadan, le mois de Ramadan. La question c'était, est-ce qu'on dit le mois de Ramadan ou bien on dit Ramadan tout court? Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, il n'y a pas de doute qu'on peut le dire puisque Allah Azza wa Jal l'a révélé comme cela, Shahru Ramadan. Certains voyaient l'interdiction de dire Ramadan, mais ce hadith qui est faible, qui est da'if, donc on ne peut pas le prendre en considération, où il est mentionné dans le hadith لا تقولوا رمضان لأن رمضان من أسم... لأنه من أسماء الله عز وجل. Ne dites pas Ramadan parce qu'il est l'un des noms d'Allah. هذا حديث ضعيف. C'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible. Donc on ne le prend pas en considération. Il est permis de dire Ramadan comme il est permis de dire, selon la parole d'Allah, شهر رمضان. طيب. وقال قال الله تعالى فمن شهد منكم فمن شهد منكم celui qui témoigne du croissant de lune, celui qui témoigne du croissant de lune. Il y a une divergence là-dessus, est-ce que c'est le premier des musulmans qui voit le croissant de lune et dans ce cas-là le jeûne devient obligatoire pour tous les musulmans de la terre, ou bien c'est par pays, c'est-à-dire chacun dans son pays, est-ce qu'il a vu la lune ou pas, hein? Ceux qui disent que à partir du moment où un musulman l'a vu, les autres doivent jeûner. Et ils prennent ce verset du Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. Ou ils prennent aussi le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, lorsque vous voyez le croissant jeûner, et lorsque vous le voyez, coupez votre jeûne. C'est-à-dire le croissant du mois de Ramadan et le croissant du mois d'après. Hein? Donc ici, ça sous-entend que c'est la yani, l'awam, c'est pour tout le monde. Hein? Ici, le prophète a donné l'ordre à tout le monde. Lorsque vous voyez le croissant jeûner, il n'a pas dit jeûner dans tel pays jeûne, ou celui-là, ceux qui sont avec celui-là ils jeûnent, etc. Non, il a dit jeûner. Yani, l'umum, c'est pour tout le monde. Le deuxième avis qui est que c'est par pays, c'est-à-dire dans un pays, si on n'a pas vu la lune, on ne jeûne pas et complétera à 30. Comme le hadith, l'athar Abdullah Ibn Abbas et Muawiyah, radiallahu anhum, où Muawiyah qui était au Shem, lui il a vu la lune la nuit du vendredi, c'est-à-dire, si on prend le calendrier chrétien, jeudi soir. Hein, jeudi soir, puisque le calendrier musulman compte les jours avec la lune et non pas avec le soleil. Tayyib. Lui il a vu la lune le vendredi, la nuit du vendredi. Ce qui correspond ici, le jeudi soir. Il était au Shem. Ensuite, il est arrivé à Médine et il a rencontré Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il a vu que Muawiyah, il n'était pas en train de jeûner. Il lui a dit, tu as vu le croissant de lune? Il lui a dit, je l'ai vu. Il lui a dit, les gens l'ont vu avec toi? Il a dit, les gens l'ont vu avec moi. Donc, nous avons coupé notre jeûne. Quant à toi, Abdullah ibn Abbas, il a répondu, radiallahu anhuma, il a dit, nous n'avons pas vu le croissant et nous avons complété à 30. Et c'est comme ça, amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça, hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Hein? Donc c'est bien la preuve que Muawiyah avait vu le croissant, mais Abdullah ibn Abbas ne l'a pas vu, donc il a complété à 30. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, arrivé la 29e nuit, si vous ne voyez pas le croissant, complétez à 30. Complétez à 30. Et un mois lunaire ne peut pas dépasser 30 jours. Comme au minimum, il ne peut pas diminuer en dessous de 29 jours. Il fait minimum 29 jours, maximum 30 jours. Donc dans le pays dans lequel nous sommes, si on ne voit pas le croissant de lune, dans ce cas-là, on complétera avec un jour de plus. طيب الكافر est-ce que le kafir est obligé de jeûner ou pas? Est-ce que l'obligation du jeûne elle touche le kafir ou pas? Ça c'est une divergence entre savants. Certains savants voient que tout ce qui est descendu fil wahy dans la révélation min al-kitab wa sunnah c'est obligatoire pour tout le monde. Parce que le prophète a été envoyé linnas jami'an à tous les gens. Linnas jami'an tous les gens, quels qu'ils soient. Donc ils tombent sous l'obligation. D'autres savants voient que non. Parce que tant qu'ils n'ont pas témoigné de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, ils ne sont pas musulmans. Donc les obligations ne sont pas sur eux. Comme par exemple, le verset où Allah Azza wa Jalla a mentionné, où on parle aux kuffar, on leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Qu'avez-vous fait pour être là-dedans, en enfer? Ils disent, nous n'étions pas parmi min al-musallin, Nous n'étions pas parmi ceux qui priaient. Mais est-ce que la prière est obligatoire pour le kafir? Ça sous-entend qu'ici, que oui. S'ils sont en enfer parce qu'ils n'ont pas fait la prière alors qu'ils sont morts kafir, ça voudrait dire que la prière, elle est obligatoire pour eux. Donc si la prière est obligatoire pour eux, az-zakat aussi, was-siyam, wal-hajj, wal-umra, toutes les obligations. Puisque ce n'est pas des musulmans qui sont interrogés ici dans cet enfer, dans ce verset, c'est le kuffar. Et on leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Et ils répondent, nous n'étions pas parmi ceux qui priaient, alors qu'ils sont morts kafir. Donc ça sous-entend que la prière était bien obligatoire pour eux aussi. Tayyib. Seulement, le kafir, fa'idha aslama fi athna'i shahr ramadan, quant à celui qui se convertit en plein mois de ramadan, celui-ci se doit de jeûner le reste du mois de ramadan. Celui-ci se doit de jeûner le reste du mois de ramadan. Est-ce qu'il doit rattraper ce qu'il n'a pas jeûné? Non. Il ne doit pas rattraper ce qu'il n'a pas jeûné. S'il se convertit en plein mois de ramadan, l'obligation, cette fois-ci, elle tombe sur lui. Il lui est obligatoire de jeûner le mois de ramadan. Il n'a pas à rattraper ce qu'il n'a pas jeûné. Par contre, s'il se convertit en pleine journée de mois de Ramadan, comme par exemple ici, après le Dhuhr, s'il se convertit là, il se doit de continuer, il se doit de jeûner la journée qui est en cours, à partir du moment où il s'est converti. S'il se convertit maintenant, il se doit de jeûner jusqu'au Maghrib. Est-ce qu'il doit rattraper cette journée ou pas? Il ne doit pas rattraper cette journée, parce que c'est le même cas que le mois. Hein, il n'était pas dans l'obligation religieuse de jeûner, étant donné qu'il était fi hal al-kufr, kufr al-akbar, kana kafiran, comme il était kafir, il n'y avait pas l'obligation sur lui. L'obligation n'arrive que si il se convertit. Tayyib. Al-qism al-thani, la deuxième catégorie de gens, as-saghir, le petit qui n'a pas atteint la puberté. L'enfant qui n'a pas atteint la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rufi'a al-qalamu ala thalathatin » La plume est levée pour trois personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Et le petit, as-sagir, jusqu'à ce qu'il devienne grand. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il arrive à sa puberté. Et « wal-majnoun » le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Hadith rawahu Ahmed wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa An-Nasa'i. Hadith rapporté par Ahmed wa Abu Dawud wa An-Nasa'i, et ce hadith est authentique. Donc ici on a bien la preuve que pour l'enfant la plume est élevée, c'est-à-dire que l'enfant qui n'a pas atteint la puberté, l'obligation ne tombe pas sur lui, qu'il soit un petit garçon ou bien une petite fille. Il n'a pas l'obligation de jeûner. Maintenant, as-sahaba radiallahu anhum wa salafu salih, ils éduquaient leurs enfants à jeûner. Bien sûr, si le jeûne fait du mal à l'enfant, il est interdit de faire jeûner l'enfant. Ils les habituaient à cela, et dès qu'ils avaient un petit moment où ils commençaient à penser à la faim un petit peu, ils leur donnaient des jouets pour qu'ils jouent avec. Mais dès que l'enfant ne pouvait pas, alors ils n'habituaient plus ce jeûne-là. Et l'enfant mangeait, buvait comme il le voulait. Sachant que cela n'est pas obligatoire pour lui, il est interdit de forcer l'enfant à jeûner, car cela est interdit, car l'obligation n'est pas sur lui, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Tayyib. Maintenant, le but, c'est de savoir quand est-ce que l'enfant a atteint la puberté. On sait qu'un enfant atteint la puberté par trois choses. Alaykoum salam wa rahmatullah. أحدها إنزال المني باحتلام أو غيره. Premièrement, lorsque il y a la descente, la sortie du sperme. إن الله لا يستحي من الحق. Là, on sait que la personne est devenue pubère. Là, l'enfant est devenu pubère. l'un des signes qui montre que la puberté de l'enfant, c'est la sortie du sperme. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه. Pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné le lavage du vendredi est obligatoire à la kulli muhtalim, surtout pubère. Hein? Cela signifie qu'il a atteint la puberté et donc que l'obligation vient sur lui. Deuxième chose qui montre qu'il a atteint la puberté, ce sont les poils du pubis. L'apparition des poils du pubis montre qu'il a atteint la puberté. Taïb. Troisième chose qui montre la puberté de l'enfant. Boulour tamami khamsa asharata sana. Le fait qu'il a atteint l'âge de 15 ans. Le fait qu'il a atteint l'âge de 15 ans. Taïb. Le fait qu'il a atteint l'âge de 15 ans, selon l'avis de la parole de Abdullah ibn Omar radhiyallahu anhuma, qui montre que arrivé à l'âge de 15 ans, l'enfant est devenu pubère. Donc la sortie du sperme, ainsi que les poils du pubis, ainsi que l'âge de 15 ans, font que l'enfant est devenu pubère. Cela donc signifie donc qu'il a atteint la puberté. Cela signifie donc que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour lui. Taïb. En ce qui concerne la fille, la puberté de la fille, parmi les signes de la puberté de la fille, c'est les menstrues. Dès que la fille a eu ses menstrues, l'écoulement de sang impur, alors elle devient pubère. Alors elle devient pubère. Cela signifie que son jeûne, ici, devient obligatoire. Taïb. Si la jeune fille devient pubère en plein milieu, en pleine journée du mois de Ramadan, si c'est en pleine nuit, il n'y a pas de souci. L'obligation de jeûner rentre en vigueur, donc cela signifie que le lendemain, elle devra jeûner et commencer ses jours de mois de Ramadan. Si elle atteint les signes de la puberté chez la fille, comme les menstrues apparaissent en pleine journée de jeûne, dans ce cas-là, là, il y a une divergence sur le fait que est-ce qu'elle jeûne le reste de la journée ou pas. Là, elle va jeûner le reste de la journée, mais c'est le même hukm que le kafir. Elle ne devra pas jeûner, elle ne devra pas rattraper ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'elle ne rentrait pas dans l'obligation de jeûner. L'obligation du mois de Ramadan, hein, comme le kafir, tant qu'il n'est pas entré dans l'islam, l'obligation ne tombe pas sur lui. Donc il ne va pas rattraper une chose dont il n'avait pas l'obligation de faire. C'est pareil ici. Si la jeune fille, elle a ses menstrues en plein milieu de la journée, elle jeûne le reste de la journée, mais elle ne devra pas rattraper. Elle ne devra pas rattraper pourquoi ? Parce que avant cette première partie de journée, elle n'était pas dans, elle ne remplissait pas les conditions de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Tayyib. Al-qism al-thalith. المجنون المجنون celui qui a perdu la raison. Quand on dit le majnoun, c'est pas seulement celui qui est maskoun, celui qui est habité par un djinn, non, ça peut être aussi le majnoun, celui qui a perdu l'aql, il a perdu la raison. Fala siyam laysa biwajib alayh. Le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Pourquoi? Parce qu'on a prouvé par le hadith du prophète sallallahu alayhi précédemment que la plume est levée pour trois. Et parmi ces trois-là, il y a Al-Majnoun, celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. Pourquoi est-ce que l'obligation n'est pas sur lui? Parce qu'une ibadah, une adoration, elle doit être devancée d'une intention. Or, le Majnoun n'a pas d'intention. Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin niyat, wa innama li kulli mar'in ma nawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: chaque acte ne vaut que par ses intentions et chacun sera rétribué selon son intention, l'intention qu'il a mis dans l'acte. c'est bien la preuve qu'il faut une intention. Hein? C'est le moment de rectifier ce que certains font la veille du mois de Ramadan, hein, lorsqu'ils disent à haute voix, j'ai l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Ou bien ils disent, Ya Allah, pour toi, je vais jeûner le mois de Ramadan. Natro bil lisan, il dit ça par la langue. Hada laysa bi sahih, wa hadi bid'a. Ça, c'est une innovation. Il n'y a aucune intention, quelle que soit l'adoration, où il est permis de mentionner l'intention à voix haute. Comme le font certains avant la prière quand ils font Bismillah, Salat al-Asr, Bismillah, Salat al-Dhuhr. La aslun fi dinillahi azza wa jal. Wala fi al-kitab, wala fi sunnah, wala fi athar al-sahaba radiallahu ta'ala anhum. Wa hadihi bid'a. Illa fi al-hajj wa al-umra, taqul, labayka Allahumma bil-umra. أو لبيك اللهم بالحج والعمرة. لكن هذا في نص بكتاب بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا نص c'est-à-dire il y a un texte qui marque l'exception dans le hajj et la umra où là on peut dire l'intention parce que le prophète il a dit à ce moment-là sachant que toutes les intentions sont dans le cœur, c'est la seule fois où il a mentionné où il a dit mon Seigneur me voici pour le hajj ou bien me voici pour le hajj et la umra. Ou bien me voici pour la Umrah. La bayk Allahumma bil Umrah. Ou la bayk Allahumma bil Hajj wal Umrah. Billah. Là, il l'a dit. Mais là, on a un texte, on a un hadith qui nous montre qu'il l'a dit. Mais en dehors de ça, sinon, c'est une innovation. Donc, les actes ne valent que par leurs intentions. Or, le fou n'a pas d'intention. C'est pour ça que le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Il ne rentre pas dans l'obligation. Tant qu'il n'a pas retrouvé la raison. Taïb. Et celui-ci rentre dans le même cas que le kafir. Ou bien que la fille qui devient pubère. Hein? À partir du moment où à la base, il n'y a pas l'obligation sur lui, s'il retrouve la raison en pleine journée, alors il se doit de... Il met son intention, il aura l'intention. L'intention... Les salaf, ils ont expliqué l'intention, c'est ce que tu veux, c'est la volonté, tout simplement. C'est ce que tu veux. Hein? Le fait que tu veuilles jeûner le mois de Ramadan, c'est ça ton intention. Taïeb. Donc ce fou qui perd la raison, qui retrouve la raison en pleine journée du mois de Ramadan, là il doit avoir l'intention de jeûner, il reste le reste de la journée à jeûner, mais il n'a pas à rattraper cette journée, car il est dans le même cas que le kafir, dans le même cas que la femme, la fille qui a ses menstrues. Tayyib. Al-qismu al-rabih, quatrième catégorie, al-ajizu an-siyam. Celui qui a atteint la vieillesse, qui est vieux, ou qui est malade de ce qu'on appelle une maladie dont on n'espère plus la guérison. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas une simple angine ou une simple grippe, c'est comme un diabète ou un cancer ou des grandes maladies. Taïb. Cela, l'obligation du jeûne ne tombe pas sur eux. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah ne cherche pas une âme. Hein, craignez Allah comme vous le pouvez. Dans l'autre verset, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah ne cherche pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. Mais ce qui est obligatoire pour eux, أَنْ يُطْعِمَ الْمِسْكِينَ, c'est de nourrir le pauvre pour chaque jour manqué. De nourrir le pauvre pour chaque jour manqué. Cela signifie que la personne très âgée, qui n'a pas la capacité de jeûner, ou bien celui qui a une grande maladie, comme les maladies que l'on vient de donner, ceux-là, ils ne peuvent pas jeûner, donc ils n'ont pas l'obligation de jeûner, mais ils ont une obligation, c'est de nourrir un pauvre par jour manqué. Cela signifie que si le mois de Ramadan fait 29 jours, ils devront nourrir 29 pauvres. Si, même si c'est 29 fois le même pauvre, c'est pas un souci, à partir du moment où c'est par jour. Si le mois de Ramadan fait 30 jours, ils devront nourrir 30 pauvres. Ils peuvent aussi nourrir 30 d'un coup. Ils ne sont pas obligés de nourrir un pauvre par-ci ou toujours le même pauvre. Ils peuvent nourrir, inviter 30 pauvres d'un coup et les 30 mangent leur repas. Tu leur donnes du repas que tu as l'habitude de prendre. Par exemple, si tu manges, tu as une assiette, tu prends la même assiette que toi avec une boisson et tu leur donnes. Ou bien, certains savants, ils ont dit ici, par exemple, tu peux acheter un sandwich. Hein, dans un matram, tu achètes un sandwich, une canette et tu le donnes. C'est l'équivalent aussi d'un repas. Tayyib. Certains ont dit le pain ou autre. Il y a plusieurs avis du pain avec de la viande. Il y a plusieurs avis là-dessus. Et c'est ce qu'a rapporté l'imam Bukhari rahimahullah sur la preuve selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, où il a mentionné que la personne vieille ou bien le vieux ou la femme vieille qui ne peuvent pas jeûner dû à leur vieillesse, ceux-là tous les deux doivent nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. Tayyib. Donc ici on voit là la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah Azza wa Jal wa a'lamu min khalqihi wa ala khalqihi. Allah Azza wa Jal est plus savant sur sa création que quiconque, puisqu'il est le créateur. Et Allah Azza wa Jal, qui est le législateur, est plus savant sur sa législation que quiconque. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal sait que les gens diffèrent les uns des autres. Hein? Les communautés elles-mêmes ont divergé, se diffèrent les unes des autres. Le jeûne que nous on fait n'est pas le même jeûne que Al-Umam al-Sabiqa, que les peuples d'avant. Ce n'est pas le même jeûne, comme ce n'était pas la même prière. Pourquoi ? Parce que chaque communauté vit à un moment de l'histoire bien précis, dans un contexte bien précis. Hein? Or, chacun a des règles bien précises qu'Allah Azza wa Jalla lui a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des règles bien précises selon les peuples et selon les communautés. Dans la même communauté, Allah tabaraka ta'ala fait en sorte que ce ne sont pas les mêmes règles non plus selon les gens, car les gens dans cette même communauté, ils divergent. Hein, comme on vient de le voir ici. Tayyib. Al-qismu al-khamis al-musafir. Le voyageur. Le voyageur. قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. الله عز وجل مصنع القران celui qui est malade ou en voyage, il rattrape le nombre de jours, il aura le nombre de jours qu'il a manqué à rattraper après, c'est-à-dire après sa maladie, quand ce sont les maladies moindres, non pas les grandes maladies que l'on vient de nommer avant, ou bien quand il est en voyage. Allah Azza wa Jal a voulu pour vous la facilité, il n'a pas voulu pour vous la difficulté. Tayyib. Wa fi sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. Il a dit, celui qui trouve, celui qui est en voyage mais qui trouve la force de jeûner, qu'il jeûne. Celui qui trouve une faiblesse durant son voyage et qui coupe son jeûne, cela est bien. Les deux font partie du bien. C'est-à-dire que al-musafir, c'est lui qui voit. S'il veut jeûner, il jeûne. Et s'il voit qu'il rencontre une faiblesse ou il a du mal avec le jeûne, il peut couper et il n'y a pas de mal là-dessus. Il n'y a pas de mal là-dessus. Tayyib. وقال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر. Le voyageur, le mieux pour lui, c'est qu'il fasse ce qui est le plus facile pour lui. Hein? C'est qu'il fasse ce qui est le plus facile pour lui. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné dans l'ayah, hein, celui, Allah azzawajal, n'a pas voulu, a voulu la facilité pour vous, il n'a pas voulu la difficulté. Et les sahaba radiallahu anhum, une fois ils ont voulu suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jeûnait, mais la chaleur était très ardente, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de boire, il leur a dit de boire, donc de couper leur jeûne, car il leur a dit je ne suis pas comme vous, je ne suis pas semblable à vous, hein? Il leur a dit de couper le jeûne. Inni lastu mithlakum, je ne suis pas comme vous. Donc ici c'est bien la preuve que si la chose devenait compliquée et difficile pour eux, ils pouvaient, il leur était permis de couper le jeûne du mois de Ramadan et de rattraper ce jour-là après le mois de Ramadan. Ils rattrapent après le mois de Ramadan. Tayyib. وفي حديث جبير السابق رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العساة أولئك العساة رواه مسلم. Il a demandé de casser le jeûne, il a coupé le jeûne et certains ont continué, il lui a été informé que certains continuent de jeûner, et là le prophète صلى الله عليه وسلم a dit cela. Ce sont ils désobéissent, ceux-là ils désobéissent. Ils sont désobéisseurs, ils sont désobéisseurs. Donc ici, c'est bien la preuve que durant le voyage, le voyageur qui a la difficulté pour jeûner, celui-ci lui est demandé de couper son jeûne. S'il a une énorme difficulté à jeûner, il se doit de couper son jeûne, comme l'a mentionné ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui revient dans le même sens que Sahihin, An Jabir radiallahu anhu, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana fi safar. Il était en voyage. Et vous voyez les gens se mettre à l'abri. Faqala ma hadha, qalu sa'imun. Faqala laysa min al-bir as-siyamu fi safar. Il a vu les gens dans un état en difficulté. Et il a dit, ma hadha, c'est quoi ça? Et ils ont répondu, sa'imun. C'est quelqu'un qui jeûne. Yani, mais là, il est en grande difficulté durant ce voyage. Et le prophète Samuel lui a répliqué, « Laïsa min al-bir ne fait pas partie du bien, as-siyam ou fi safar, le fait de jeûner en voyage. » Ici, il n'a pas voulu dire qu'il est interdit de jeûner en voyage. C'est « ne fait pas partie du bien, le fait de jeûner en voyage, pour celui qui rencontre une difficulté. » Quant à celui qui n'a pas de difficulté, celui-ci, il peut jeûner. Tayyib. Le malade dont on espère la guérison, celui-ci est dans trois circonstances. Le malade dont on espère la guérison, celui-ci, ce malade dont on espère la guérison, donc qui n'a pas une grande maladie comme on l'a dit avant, celui-ci, si le jeûne, il ne rencontre aucune difficulté, et que le jeûne ne lui fait pas de mal, as-siyam wajib alayhi. Celui-ci, le jeûne est obligatoire pour lui. Celui qui est malade, mais le jeûne ne lui ramène aucune difficulté, et le jeûne n'accroît pas sa maladie, et ce jeûne-là ne lui commet aucun tort physiquement, celui-ci, il doit jeûner. Et il est sous l'obligation de jeûner. Tayyib. Athani, celui qui rencontre une difficulté alors qu'il est malade, le jeûne lui ramène une difficulté. Mais ce jeûne ne lui fait pas de mal. Cela n'accroît pas sa maladie. Il y a une difficulté, mais le mal n'augmente pas. Hein, il ne lui fait pas de mal. Voilà, il y a d'urruhu. Qala Allahu Azza wa Jal. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Celui-ci il coupe son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a une difficulté alors qu'il est malade. Celui-ci il coupe son jeûne et il devra rattraper comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné après le mois de Ramadan. الثالث, troisième, celui qui alors qu'il est malade, le jeûne lui fait du tort. Le jeûne lui fait du tort et lui procure du mal. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه إن لنفسك عليك حقا. الله عز وجل دي ne vous tuez pas vous-même et certes Allah est miséricordieux avec vous. Et le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné, ta propre personne a un droit sur toi, ta nefs a un droit sur toi. Donc s'il est malade, mais c'est une maladie dont on espère la guérison, c'est pas une grande maladie comme le diabète ou le cancer ou autre. Par exemple, s'il a une angine ou une grippe, mais le fait qu'il jeûne, ça lui fait du mal, il se doit de couper. Il se doit de couper ce jeûne. Il rattrapera lorsque sa maladie sera passée, c'est-à-dire lors de Ramadan. Tayyib. Cela signifie que s'il est, il est bien, mais en pleine journée, il est touché par une maladie. En pleine journée de jeûne, il est touché par une maladie. Et c'est lui qui voit. Il rentre dans ces trois catégories-là. Si cette maladie ne lui ramène aucune difficulté, aucun mal, il est obligé de continuer de jeûner. Si elle lui ramène un mal ou bien elle lui procure une difficulté, il se doit d'arrêter de jeûner. Il rattrapera après le mois de Ramadan. Taïb. Parmi les différentes personnes durant le mois de Ramadan, la femme qui a ses menstrues. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم il a mentionné النقص في الدين عند النساء. Il a mentionné le manquement de la femme dans sa religion. Elle a un manquement dans sa religion. Et lorsque on lui a demandé, le prophète il a dit son manquement dans la religion, c'est lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne peut ni jeûner, ni prier, ni jeûner. Ni prier, ni jeûner. Tayyib. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, les sahabiyats sont venus voir Aïcha, radiallahu anha, lui ont dit, comment ça se fait qu'on rattrape le jeûne, mais qu'on ne rattrape pas les prières? Lorsqu'on a les menstrues, comment ça se fait qu'on doit rattraper le jeûne, mais qu'on ne doit pas rattraper les prières? Elle a tout simplement répondu, parce qu'Allah en a voulu ainsi. Il y a des choses, ça ne nous est pas demandé de comprendre. Sami'ana wa ata'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. La femme qui a ses menstrues, la femme qui a ses menstrues, ne peut pas jeûner. Si elle jeûne, siyamuha batil. Si elle jeûne alors qu'elle est en état de menstrues, son jeûne est annulé. Son jeûne est annulé. Si les menstrues arrivent en pleine nuit, il n'y a pas de problème, elle ne jeûnera plus jusqu'à ce qu'elle soit rentrée en état de pureté, jusqu'à ce qu'elle soit revenue en état de pureté. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'a interrogé sur les menstrues, il a répondu, les plus savants dans ce domaine, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que chaque femme a son cycle, et chaque femme connaît son sang. Chaque femme a son cycle, un cycle de 6 jours ou 7 jours, voire même plus ou moins. Et chaque femme connaît son sang. Chaque femme voit la couleur de son sang changer. Si la femme, avant le Maghrib, en pleine journée de mois de Ramadan, par exemple là maintenant, ses menstrues arrivent, le jeûne est coupé. Le jeûne est coupée par les menstrues. Mais elle devra rattraper cette journée. Le jeûne est coupé et elle devra rattraper cette journée. Elle devra rattraper cette journée. Ça, c'est dans le jeûne obligatoire, bien sûr. Le jeûne du mois de Ramadan. Hein. Si c'est un jeûne surérogatoire et qu'en pleine journée, ses menstrues arrivent, elle n'a pas à rattraper ce jeûne-là. Quand au mois de Ramadan, en pleine journée, avant le Maghreb, en pleine journée, si les menstrues arrivent, dans ce cas-là, elle se doit de rattraper cette journée. Taïb. Si sa purification revient en plein milieu de journée, ça veut dire que ça y est, elle a passé son cycle, elle va se purifier. Mais elle se purifie, les menstrues, les règles s'arrêtent en pleine journée, et donc elle rentre, elle fait le ghusl, et elle rentre en état de pureté, en pleine journée de Ramadan. Ce jour-là n'est pas valable. Et elle devra le rattraper aussi. Là où les savants divergent, c'est est-ce qu'elle continue à jeûner le reste de la journée ou pas? Est-ce qu'elle continue à jeûner le reste de la journée ou pas? Ala khilaf bayna al-ulama. Hein, c'est une divergence entre savants. Il y en a qui voient qu'elle doit continuer à jeûner, parce que ça, il est en état de pureté. D'autres voient que la journée, comme la journée n'est pas valide, alors le reste de la journée non plus n'est pas valide, donc elle peut manger. Bien sûr, si elle mange, elle mange sirran, yani en secret, afin de ne pas donner envie aux gens qui, eux, dans la demeure, sont en train de jeûner. Une autre catégorie de personnes durant ce mois de Ramadan, la femme qui est enceinte ou qui allaite. La femme qui est enceinte ou qui allaite. Là-dessus, la femme qui est enceinte et qui a peur pour elle ou son enfant, ou la femme qui allaite et qui a peur pour elle et son enfant, certains savants considèrent qu'elle fait partie des gens malades, ce qui signifie qu'elle ne jeûne pas, qu'elle nourrit un pauvre par jour manqué, mais qu'elle devra rattraper les jours après l'ard al-nifas, c'est-à-dire une fois qu'elle aura accouché et que le sang impur aura disparu, hein, une fois que les logis auront disparu, qu'elle devra rattraper dans l'année ce mois-là. D'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, il a ramené deux atar. L'atar Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, ou l'atar Atar Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il a mentionné là-dedans que ses deux compagnons, hein, et Abdullah ibn Omar, a mentionné à sa femme de couper le jeûne, de nourrir, mais de ne pas rattraper. De nourrir un pauvre par jour manqué, mais de ne pas rattraper. Donc, Cheikh Al-Albani, il voit ici que c'est Dalil. Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas, qui les deux ont ramené le même avis, qui est que la femme qui est enceinte, ou la femme qui allaite et qui a peur pour elle ou son enfant, qu'elle arrête de jeûner, qu'elle nourrit un pauvre par jour manqué, mais qu'elle ne rattrape pas. Mais qu'elle ne rattrape pas. Taïb. Donc on a mentionné les différentes sortes de personnes et on s'aperçoit que certaines personnes doivent rattraper. Ces gens-là qui doivent rattraper leur jeûne après le mois de Ramadan doivent le rattraper avant le prochain mois de Ramadan. Et qu'ils sachent que ce rattrapage est une obligation. Hein, c'est une obligation. Cela signifie que, après le mois de Ramadan, le mieux, avant de faire les 6 jours de Shawwal, c'est de rattraper ces jours de mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que les 6 jours de Shawwal sont faits pour quoi? Ils sont faits pour combler les manquements que tu aurais pu avoir pendant ton mois de Ramadan. Or, si ton mois de Ramadan il n'est même pas complet, comment veux-tu rattraper ce qui est les manquements si déjà ton mois de Ramadan il n'est pas complété? Donc tu te dois d'abord de rattraper les jours de Ramadan, qui eux sont une obligation, et l'obligation est meilleure que ce qui est surérogatoire, et après de faire tes 6 jours de Shawwal, toujours dans le mois de Shawwal bien sûr. On ne fait pas les 6 jours de Shawwal après Shawwal. Hein, ça ne se fait pas. Tayyib. Mais il n'y a pas de mal à rattraper ces jours de mois de Ramadan vers la fin de l'année, comme le faisait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Hein? Il n'y a pas de mal à cela malgré ça. Il n'y a pas de mal à cela. Seulement, il se doit de les rattraper avant le prochain mois de Ramadan. Quant à celui qui ne les a pas rattrapés, il les rattrapera après le deuxième mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours sous, c'est comme une dette. Il doit ses jours de jeûne à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, Allah Azza wa Jalla se passe de toi et de ton jeûne. C'est toi qui as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ses créatures. Mais c'est nous qui avons besoin du créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie aussi que durant l'année, quand tu vas décider de jeûner tes jours de mois de Ramadan que tu dois rattraper, si tu jeûnes et en pleine journée tu dis, tiens, je suis fatigué, je vais couper mon jeûne. Je rattraperai ce jour-là plus tard. Tu n'as pas le droit parce que tu es sous une obligation. Ce n'est pas un jeûne surérogatoire. À partir du moment où c'est un jeûne obligatoire, tu es obligé de rester sa'im toute la journée comme une journée de mois de Ramadan. Parce que c'est un jeûne obligatoire. Là où tu peux couper en pleine journée, c'est lorsqu'il y a un jeûne surérogatoire. Si vraiment tu as des difficultés ou t'en peux plus, là, un jeûne surérogatoire, tu peux dire, bah, c'est bon, je coupe. Rien que par l'intention. Rien que par l'intention, tu vas couper. Hein? Par contre, un jeûne obligatoire, tu n'as pas le droit de couper. Parce que tu es sous l'obligation religieuse. Tayyib. Quant à celui qui devait rattraper les jours du mois de Ramadan, mais qui meurt avant, alors il appartient au tuteur de cette personne-là de jeûner. Hein, ou au membre, s'il ne veut pas les jeûner, ou ne peut pas les jeûner parce que lui-même est décédé, ce sont aux membres de la famille de jeûner. Si les membres de la famille ne sont pas là ou ne peuvent pas, ou ne veulent pas, alors il appartient à celui qui veut les jeûner pour lui de le faire, hein, afin qu'il complète cette obligation religieuse. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Donc celui qui meurt alors qu'il avait il devait des jours de jeûne obligatoires, il s'agit bien de l'obligation, pas du surérogatoire, alors son tuteur jeûne pour lui, ou bien ses héritiers jeûnent pour lui, ou bien ses proches jeûnent pour lui. ويجوز أن يصوم عنه جماعة. Il est permis à ce qu'un groupe de gens, par exemple, si la personne elle devait 10 jours, il est permis à 10 jours de jeûner, à 10 personnes de jeûner le même jour, et cela rattrape les 10 jours. S'il doit 10 jours de jeûne du mois de Ramadan, il est permis en une seule journée que 10 personnes fassent ce jeûne-là afin de rattraper ce qu'il devait comme cela. Donc on voit bien ici la grande sagesse de Sharia d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa législation, hein, et qu'on voit bien qu'ici cela ne fait que confirmer ce qu'Allah azza wa jalla dit en Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parfait votre religion, je l'ai parachevé, une religion complète. Il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas une seule, Allah azza wa jalla n'a pas laissé une question sans qu'il y ait la réponse fil kitab wa sunnah. La personne, on voit même que la personne qui est malade, et donc il se doit de nourrir un pauvre. Mais cette personne-là, non seulement elle est malade, mais elle n'a même pas les moyens de nourrir un pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Hein ? Elle fait quoi ? Elle se nourrit elle-même. Mais elle doit faire une expiation, là, parce qu'elle est malade. Elle ne fait rien. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. Allah ne charge pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. À partir du moment où elle est malade, elle n'a même pas les moyens de nourrir quelqu'un, alors elle ne fait rien du tout. Allah Azza wa Jalla ne la charge pas d'une chose qu'elle ne peut supporter. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu li wa lakum.